chercher la sauce dans le red cup. Nigga, j'voulais un joint de Ivory, vous l'aider, mes shops. J'voulais un joint de Ivory, vous l'aider, mes shops. Yeah, je roule dans Paris, j'ai la dope. Mon dollar run, j'veux pas, j'ai la sauce dans le red cup. 9 o'clock, I'm again sous le bloc. Y'a ceux qui font les beaux, y'a ceux qui manient le Glock. J'me rappelle des journées à la cité avec mes potes. Surveille les SMS qui de nous trois pour un fork. Une bière, j'appareille, le midi hors clock. Passe ton chemin ou bien tu finiras en clock. OCB, joue un derby, mix sur moitié de clope. Passe les heures, mon avenir sur stop. Stop. Présente à l'âme, envie de jusqu'au bot. J'suis dans le run, j'vois pas y'a tous les keufs qui sautent. Qui est-il, mais d'où vient ce jeune boss? Bon, oh. Dans le red cup.